J'ai sous les yeux un numéro du magazine américain Collier's. L'article est placé au-dessous d'une série de 8 photographies représentant des Américains des milieux les plus divers à qui on a posé la même question. Le journaliste fait précéder son reportage de ces quelques lignes. Un correspondant de guerre découvre un front oublié, celui de l'homme de la rue en Amérique qui cherche avant tout une définition précise du fascisme afin de savoir pourquoi et contre quoi il se bat. Que croyez-vous que signifie le fascisme ? Enquête opportune, assurément, et qu'on aurait pu mener chez nous à une époque où l'accusation de fascisme était lancée contre quiconque ne se sentait pas disposé à capituler devant le Front populaire. À lire le magazine américain, on s'aperçoit que les Yankees qui font un usage du mot fascisme aussi inconsidéré que les Français de 36 n'ont cependant pas sur ce qu'il signifie des notions plus précises. Et voici pour commencer les déclarations des 8 personnages interrogés par leur reporter et photographiés. Un magistrat du Kansas déclare: un fasciste est généralement un type de penseur radical analogue aux partisans du New Deal. C'est quelqu'un qui favorise une forme de gouvernement oligarchique. Une dactylo. Fascisme, ça veut dire qu'on est dirigé par un gouvernement qui vous prend une part de votre salaire. C'est exactement ce qui se passe en Amérique en ce moment. Un ouvrier des chantiers de construction navale affirme que le fascisme, c'est le service militaire obligatoire. Je ne connais pas d'autre signification du fascisme. Un contremaître s'abrite derrière l'éloignement. Oh, ici, dans l'Ohio, on est loin de tout ça. Il n'y a pas de fasciste par ici. Un ouvrier nègre n'a pas d'opinion. Le mot ne me dit absolument rien, déclare-t-il, et ne provoque chez moi aucune réaction. Une ménagère de Boston déclare: c'est un mot qui ne signifie pour moi que des gens enragés pour quelque chose, mais je serais bien en peine de dire quoi. Un employé d'entrepôt avoue: je ne sais pas ce que c'est que le fascisme et je ne reconnaîtrais certainement pas un fasciste si on m'en montrait. Un éleveur du Kansas explique: le fascisme, c'est une doctrine qui repose sur l'industrialisation généralisée. Ceux qui pensent comme ça ont l'esprit fasciste. Ce ne sont là que des réponses cueillies au hasard. Mais Cecil Brown nous avertit qu'il a parcouru l'Amérique en tous sens, interrogé des milliers de gens de toutes professions et de toutes catégories. Il constate qu'il n'a pu trouver personne qui fût d'accord avec son voisin sur le sens du mot fascisme et presque personne qui fût capable d'en proposer une définition. Nous sommes censés combattre le fascisme, écrit-il, mais le mot a été rarement prononcé quand je posais à mes interlocuteurs choisis au hasard les 22 questions que j'avais préparées. On a l'impression que lorsque des peuples en arrivent à ne plus pouvoir répondre à la question « Pourquoi nous battons-nous ?», il y a peu de chances pour qu'on les galvanise très longtemps avec un épouvantail qui a déjà beaucoup traîné dans les placards de la démocratie. On peut bien laisser les sonneurs d'Alali, de la radio d'Alger, emboucher leurs instruments tonitruants pour exciter les guerriers de l'Arkansas ou du Minnesota. Mais on n'empêche pas pour autant ceux-ci de se souvenir du pays où ils étaient confortables, avant que les chefs de la conjuration anglo-juive les eussent mobilisés contre un fascisme dont le Yankee moyen cherche encore la définition.